Semaine 27, unité 4. Les ressources naturelles. Les ressources humaines. Les ressources financières. Consommer. Produire. Exploiter. Il y a trois types de ressources, naturelles, humaines et financières. On exploite les ressources naturelles. Les ressources humaines aident à les modifier. Les ressources financières sont utiles pour acheter et vendre les matières premières.